Salut à tous, ce sont les Anglais de Sad Lovers and Giants qui commencent notre pop and rock sur RVR. Je les avais quittés au début des années 2000 et en grattant, je découvre qu'en 2018, Mission Creep, nouvel album de Sad Lovers and Giants, est sorti avec en première piste le titre qu'on vient d'écouter, Silent DJ. Alors moi, je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est le pied total quand un groupe ou un artiste arrive après plus de 30 ans d'aventure pour nous faire planer comme aux premières heures de notre rencontre. Dans le genre amour durable et jamais trahi, il y a aussi les Smashing qui, si leur dernier album est très décrié, a été capable quand même de produire ça. Amour durable avec les Smashing Pumpkins ou encore les Sad Lovers and Giants, mais aussi amour nostalgique avec les Smiths ou bien encore les Cure. We'll be right back. vous êtes bien calés comme tous les lundis entre 17h et 18h dans Pop and Rock sur le 104.6. Secrets and there is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands. But I'm still fond of you. Oh. So what difference does it make? Les Smiths et surtout les Cure, que de soirées à sauter sur place dans des salles enfumées entourées des clones du Robert Smith. On écoutait aussi Simple Minds, Tears for Fears, pendant que d'autres, beaucoup plus nostalgiques, écoutaient George Harrison en pleurant la disparition des Scarabées de Liverpool. Thank you. Thank you very much. Eric Clapton. Le titre de George Harrison date pour cette version live de la fin des années 80, et pour être franc, ce n'était pas tout à fait mon credo, j'écoutais plutôt à cette époque un amour aujourd'hui déçu, des Irlandais mangés et dévorés aujourd'hui par le showbiz, mais peut-être écoutiez-vous à cette époque aussi ça. Vous l'avez donc compris, les années 80 ont construit pour mes potes et moi-même notre culture musicale. Et à l'époque, pas de YouTube, pas de réseaux sociaux. On courait acheter des cassettes, ouais, des cassettes, et nos antédiluviens lecteurs autoréverses, s'il te plaît, enregistraient toutes les émissions du Bernard Lenoir, qui notamment nous offrait régulièrement un de ses groupes préférés, le Joy Division du maudit Ian Curtis. We'll be right back. Grâce au feedback de Bernard Lenoir sur RVR ce soir dans Pop and Rock, on écoute également Bauhaus. A drive. Lundi entre 17h et 18h, vous écoutez Pop & Rock sur Radio Val de Rhin. We'll be right back. Joy Division, Bauhaus, Killing Joke. Voilà à quoi nous grandissions au XXe siècle, mais nous n'en sommes pas devenus amers de nostalgie pour autant, car le XXIe siècle, s'il est origine de foultitude de nouveaux groupes pas tous au bon niveau, nous offre des groupes qui valent la peine que le rock ne meure pas sous les coups du rap et des majors ivres de dollars. J'espère qu'en ces temps de Covid, vous n'avez pas trop mal à la tête parce que la suite de notre pop and rock va se gorger d'énergie capable de vous redonner le goût et l'odorat pour les bonnes choses du rock. Talking about the ones who know their place. Talking about you back up where you belong, knock you back down. Look over here. Respiration et c'est reparti. Tell me what you want, tell me what you want. sérieux, la Covid est toujours là? Soignez-vous et prenez une triple dose des Warlocks avec 4 minutes de You Stood You. Vous allez pouvoir vous reposer après une heure de pop and rock qui, je l'espère, vous a fait grand bien. Pour se quitter, on va faire dans le plus tranquille, histoire de remettre tous vos neurones en place et être prêt à remettre le couvert lundi prochain sur RVR dans Pop and Rock au 104.6 de 17h à 18h. Et sur ce, bis à tous.